Question de confiance, c'est deux fois par mois le podcast qui répond à vos questions du quotidien. Des questions qui nous concernent tous pour notre vie de tous les jours, des questions d'actualité qui animent le débat de société. Je recevrai un expert du sujet du jour pour obtenir les réponses les plus complètes et les plus utiles. Question de confiance, une émission à retrouver sur votre application de podcast préférée. Et pour ne rien rater, le mieux c'est encore de s'abonner. Je vous fais confiance. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Louis Lachenal ou la résurrection d'un alpiniste. Le 3 juin 1950, Louis Lachenal devint, avec Maurice Herzog, le premier bipède à fouler un sommet de plus de 8000 mètres, l'Annapurna au Népal. Il y laissa une partie de ses pieds, mais donna une incarnation sublime à la phrase qu'il avait écrite avant son départ. La gloire est une affaire privée. Cet homme avait la montagne dans le sang et n'avait que faire d'une étoffe de héros. Il écrira plus tard à propos de la marche vers le sommet qui fut dramatique, ses lignes devenues célèbres. Nous étions tous les deux éprouvés par l'altitude, c'était normal. Herzog le note pour lui-même. Plus encore, il était illuminé. Marchant vers le sommet, il avait l'impression de remplir une mission et je veux bien croire qu'il pensait à Sainte Thérèse d'Avila au sommet. Moi, je voulais avant tout redescendre. Je savais que mes pieds gelaient et que le sommet allait me les coûter. Pour moi, cette course était une course comme les autres, plus haute que dans les Alpes, mais sans rien de plus. Si je devais y laisser mes pieds, l'Annapurna, je m'en moquais. Je ne devais pas mes pieds à la jeunesse française. Pour moi, je voulais donc descendre. J'ai posé à Maurice la question de savoir ce qu'il ferait dans ce cas. Il m'a dit qu'il continuerait. Je n'avais pas à juger ses raisons. L'alpiniste est une chose trop personnelle. Mais j'estimais que s'il continuait seul, il ne reviendrait pas. C'est pour lui et lui seul que je n'ai pas fait demi-tour. Cette marche au sommet n'était pas une affaire de prestige national, c'était une affaire de cordée. C'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Fin de citation. Louis Lachenal devint moins célèbre que Maurice Herzog qui, lui, a connu tous les honneurs. Mais il a beaucoup écrit tout au long de sa vie. Ses textes sont aujourd'hui rassemblés et d'une certaine façon, il le ressuscite. Mais que nous disent-ils de lui-même, de l'alpinisme, de son époque? Pour répondre à cette question, j'ai invité Charlie Buffet, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien, alpiniste, historien de l'alpinisme, je pourrais dire aussi. Vous dirigez les éditions Guérin-Paulsen, et vous avez dirigé il y a quelques années la publication d'un livre de près de 4 kilos, intitulé « Cent alpinistes ». Cent alpinistes qui était raconté par 87 auteurs et non pas 100, puisque 13 alpinistes, dont on faisait le portrait dans ce livre, étaient aussi les auteurs des portraits d'autres alpinistes. Et là, vous venez de publier un livre de Louis Lachenal qui s'intitule « Rappel », rappel au pluriel. Alors, c'est un livre absolument magnifique, illustré de très nombreuses photos, et les textes qui figurent ont tous été écrits par Louis Lachenal avant ou après la fameuse expédition de 1950 dans l'Annapurna. Et la première chose qui frappe, c'est que lorsqu'on feuillette ce livre et qu'on découvre les photos qui montrent toute Louis Lachenal, on ne le reconnaît jamais. À chaque fois, il a un visage différent et il ne se ressemble pas. Est-ce que ça correspond à sa personnalité qui était changeante ou est-ce que c'est simplement que les photos étaient prises soit à des périodes différentes, soit dans des conditions différentes? Il est pris parfois au retour d'une course, le visage marqué, d'autres fois en famille, le visage plus détendu. C'est très difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai eu très longtemps ce trouble devant les photos de Lachenal, parce qu'effectivement, je ne le reconnaissais pas d'une photo sur l'autre. J'ai découvert, en fait, en travaillant sur ce livre, dans cette recherche iconographique qui nous a pris au moins un an, j'ai découvert Lachenal jeune, que je connaissais peu. Alors là, on a découvert beaucoup de photos. Et jeune, il a quelque chose de très identifiable, toujours une espèce de présence qui est très forte. Il est jeune, photographié souvent en action. Il a encore pas mal de cheveux. Après, il a un peu perdu ses cheveux. Bon, oui, il est mort à 34 ans, mais ouais. Il est déjà chaud. Il est déjà un peu chaud. Il était garni, disons. Mais jeune, il a une chevelure assez, mais un peu folle, un peu désordonnée. Mais il a cette lueur très animée, toujours très vive dans le regard, qu'on reconnaît. Après l'Annapurna, après 1950, il devient un petit peu un personnage. Il devient un personnage public. On le photographie quand il est en train de faire des conférences, dans des cocktails, dans des situations où il n'est pas forcément très très à l'aise, je pense. On le voit même en smoking parfois. On le voit en costume aux côtés de Maurice Herzog après des pince-fesses, voilà. Et je pense que c'est des situations où peut-être qu'il n'était pas totalement lui-même, voilà. Et en faisant cette recherche pour le livre, on a découvert aussi des photos dans cette dernière période de sa vie et que j'ai absolument tenu à mettre en valeur, des photos où il est, où Lachenal garde ce côté très vif, très présent jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est un peu un des mystères du personnage, c'est est-ce que cette lueur qu'on sentait en lui, est-ce qu'elle s'était éteinte au moment de l'Annapurna, c'est-à-dire dans ce moment tragique qu'il avait amputé d'une partie de lui-même, voilà. Est-ce que cette lueur s'était éteinte ou est-ce qu'il avait conservé ça? Et vraiment, je pense qu'on a trouvé que ça existait et que ça se voit jusque à la fin de sa vie sur des photos. Bah, la première photo qu'on trouve dans ce magnifique livre le montre justement rayonnant, alors qu'il est près de disparaître par une course qui se termine mal. Il descend la vallée blanche à ski et tombe dans une crevasse. Voilà, donc c'est une photo qui est prise dans les derniers mois de sa vie où il a une clope à la main, souvent il fume, hein, il fumait beaucoup. Donc jeune, il a toujours la pipe. Oui, après, sur les photos de jeunesse, on a l'impression que tout le monde fume la pipe, y compris sa fiancée. Je crois que c'était très à la mode chez les alpinistes. Ouais. Donc on a fait des petits montages où on les montre tous fumant la pipe. Et sur la fin de sa vie, donc cigarette, donc il fume beaucoup, il fumait à la Annapurna, hein. Il y avait des paquets de clopes dans les camps d'altitude. Mais bon, il n'y a pas que la cigarette, il y a cette attitude vive, concentrée qu'on sent dans cette dernière photo et qui est vraiment Lachenal, qui était quelqu'un qui avait un appétit de vivre très, très puissant. Mais ce qui est impressionnant aussi quand on regarde toutes ces photos, c'est qu'il est presque dans tous les cas, il regarde vers le haut. Et ça m'a rappelé ce texte de Bachelard qui s'appelle « L'air et les songes » dans lequel il parle de l'aspiration par le mouvement vertical des cimes. On a l'impression que Lachenal était aspiré par les sommets. Totalement. Je pense que dès son adolescence, où on arrive à identifier ses activités par les photos, hein. Il a fait un petit peu de scoutisme. On a retrouvé quelques photos dans des camps scouts. On a retrouvé une photo où il est avec un canoë. Il a construit un canoë lui-même de ses mains. C'est quelqu'un de très doué et qui est très, très bricoleur et doué de ses mains. Mais le moment où on le voit s'épanouir, où on a ce matériau qui permet de le situer, c'est la montagne. Et effectivement, la montagne, il a toujours le regard, mais même, j'allais dire, le buste et le corps qu'il appelle vers le haut. Il a des attitudes de quelqu'un qui est prêt à bondir quasiment toujours. Qui est mu par une force antigravitationnelle, on pourrait dire. On peut dire ça. Est-ce qu'on peut comprendre comment il est venu à la montagne? Il est né à Annecy, donc les montagnes étaient là dans son enfance. Est-ce que la grimpe, il est né en 1921, je crois. 1921. Est-ce que la grimpe était à la mode? Est-ce que il y est allé naturellement ou est-ce qu'il fallait avoir un tempérament particulier pour aller en montagne à l'époque? Alors, il y a une falaise qui est tout proche d'Annecy, qui s'appelle le Biclop, et où il fait ses premiers pas. Et il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour le mouvement antigravitationnel, c'est ça? Pour grimper. Et lui en fait partie. Donc, il a un talent corporel, physique, qui s'exprime très vite et qui fait qu'il devient un peu le centre de son petit groupe de copains qui vont en montagne. Donc ils vont du Biclop aux Dents de l'Enfant, qui sont un petit peu plus loin près du lac d'Annecy, puis dans les Aravis, puis dans le massif du Mont-Blanc. Petit à petit, voilà, il prend de l'ampleur et de l'altitude, mais avec ce mouvement qui s'est enclenché depuis Annecy, depuis cette falaise qui est vraiment à la sortie d'Annecy, le Biclop, où il s'épanouit, il se révèle. Oui. Il est rapide, il est souple, il aime le risque. Alors, il aime le risque, mais on l'a longtemps enfermé dans l'idée de quelqu'un qui ne cherchait que ça, qui était un peu fou, un peu tête brûlée. Et en fait, on a retrouvé dans ces textes de jeunesse, il existe des extraits d'un journal qui tient pendant son premier cours d'initiation à la montagne pendant la guerre, où il écrit sur le goût du risque de façon extrêmement lucide. Alors, je vais le citer, Charlie Bruffet, il écrit « Le goût du risque est inné et raisonné par la suite. C'est un besoin chez certains hommes, c'est le désir de se perfectionner, de s'élever, d'atteindre l'idéal. Il implique le goût de la responsabilité, maîtrise de soi et domination de la peur, valeur, école de la volonté, persévérance, réflexion, discipline, confiance. Le charme du goût du risque, c'est l'incertitude du succès. Conséquence, il permet le progrès. » Incroyable pour un jeune homme de 21 ans. C'est formidable, c'est d'une maturité extraordinaire. Et j'ai pensé en relisant cet extrait, et j'y repense en vous entendant, à Alex Honnold. Alex Honnold, c'est un grimpeur américain qui a fait l'exploit du siècle en escalade, l'ascension au solitaire d'El Capitan, une paroi de 1000 mètres verticale. Oui. Et Alex Honnold est quelqu'un d'extrêmement lucide et réfléchi sur son engagement, sur son besoin, son plaisir du risque, la façon dont il le maîtrise. Et je trouve ça chez Lachenal aussi. Oui. Alors comment est-ce qu'il vient à l'alpinisme à Chamonix? Parce que originaire d'Annecy, il a bien dû parcourir les 100 kilomètres qui séparent les deux villes. De façon complètement improvisée, avec un copain avec qui il se lance dans l'ascension du Grépon en 1939. Première course assez ratée où ils partent mais sans aucune connaissance. Si, ils ont des topos d'escalade, mais à part ça, ils n'ont pas encore de connaissance de la montagne. Mais il a ce goût, effectivement, d'aller voir, de pas s'arrêter à l'élémentaire prudence qui dirait de rester dans son fauteuil. Donc il devient moniteur de ski, je crois, en 1940. Alors tout ça se passe pendant la guerre, et c'est ouais. Ça moi qui m'a beaucoup étonné, c'est que Lachenal, on a retrouvé un premier texte qui est absolument étonnant, qu'il écrit quand il est volontaire au sein de Jeunesse et Montagne. Pendant l'occupation, d'anciens officiers de l'armée de l'air créent ce groupe pour former des jeunes. C'est pas paramilitaire, ils ont pas d'armes, mais c'est l'idée de former des jeunes un petit peu dans l'esprit d'avoir des forces à peu près. Il y en a un certain nombre qui rejoindront la résistance par la suite. Lachenal, quand il est membre de ce groupe Jeunesse et Montagne, écrit un texte qui se termine par une ascension du Mont Blanc en mai 42, pour raconter ce que c'est que cette... Donc ça commence par un raid à ski à travers le Beaufortin, ensuite ils arrivent au Mont Blanc. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ça se passe au printemps 42, pendant l'occupation, et il n'y a pas une seule mention de la guerre. Je pense que le seul indice qu'on ait, c'est qu'ils s'arrêtent un moment dans un café et qu'ils prennent un ersatz de café. Mais dans lequel ils mettent beaucoup de sucre, ce qui lui donne un goût qui le rend buvable. Voilà, mais il le saccharise. Voilà, il le saccharise. Mais il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas de présence de la guerre. On n'a pas l'impression qu'il y ait de rationnement, d'inquiétude. Ils arrivent au sommet du Mont Blanc, ils sont une dizaine, il y a une photo qui les montre là. On a l'impression qu'ils sont presque habillés en militaire. Oui, comment c'était possible pendant l'occupation? C'est une colonne, voilà. C'est une colonne de jeunes hommes, alors pas armés, à part de piolets, mais qui font de la montagne, oui, de façon presque, avec des presque officiers, entre guillemets, qu'ils appellent des chefs. Oui, c'est assez troublant. Mais moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est cette atmosphère heureuse, finalement. Et dans toutes ces photos prises pendant la guerre, il n'y a aucune présence de la guerre, et il y a une espèce de bonheur tout simple d'être en montagne. En 1940, 41, 42, dans le massif du Mont-Blanc, ils sont torse nus à côté du refuge de requins, ils sont en train de grimper, de faire leur première course de glace. Mais c'est une découverte de la montagne totalement sortie de cette époque qu'on imagine, enfin moi, que j'imaginais forcément sombre et dramatique. Ce qui m'a impressionné en lisant ce journal qui dure donc plusieurs jours de Louis Lachenal, ce qui m'a impressionné, c'est plutôt la qualité de l'écriture. C'est comme s'il écrivait non pas pour lui-même, mais comme s'il savait qu'il serait lu. Par exemple, il raconte que le 14 mai, il va voir le cimetière de Chamonix avec un camarade qui s'appelle Abière, et il dit voilà, nous allons voir les tombes de tous les grands cracks morts en montagne, les Wimper, les Coutet, les Meyerdorf. Et cela nous fait une certaine impression de voir tant de noms célèbres couchés ainsi côte à côte dans la même enceinte. Il ne sait pas qu'un peu plus tard, il sera dans ce même cimetière. Et il écrit, vous avez raison, il écrit pour ses compagnons. Hein, c'est un vrai petit journal de bord, et dans lequel, donc encore une fois, c'est un jeune homme de 21 ans, mais qui a une maturité, une conscience de lui-même, de là où il se trouve, de l'intensité de ce qu'il est en train de vivre, et qui met beaucoup de précision, d'intensité et d'humour. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a déjà cette distance assez presque un peu ironique sur lui-même. Vous disiez, Charlie Buffet, que la guerre ne semblait pas présente dans ses écrits de 1942, mais quand même, il va devoir fuir en Suisse pour échapper au STO, au service du travail obligatoire. Voilà, il fuit et il va se mettre à l'abri, ce qui est assez logique. Sa femme est suisse et donc il va se mettre à l'abri à Lausanne dans la famille de sa femme qui a une grande villa très accueillante. Et il échappe au STO, ce qui, je pense, est une réaction assez sensible et sensé et logique à l'époque. On pourrait, alors dans notre imaginaire, on voudrait tout de suite le projeter dans la résistance, on imaginerait, et c'est un peu ce qui a été presque suggéré dans les premières soi-disant autobiographie de Lachenal, dont on reparlera peut-être après sa mort. On l'a un peu présenté comme un tir au flanc, quoi, le type qui va se planquer, qui en gros, pour être quelqu'un de valeureux, aurait dû tout de suite s'engager dans la résistance. Or, on sait bien aujourd'hui que la résistance, au moment où Lachenal part en Suisse, c'est-à-dire à l'été 43, reste un phénomène très minoritaire, et que l'essentiel des grands résistants valeureux qui se mettent en avant après la libération s'engage à l'été 44. Donc Lachenal a une attitude qui me semble assez logique. Il part à Lausanne, il a son premier fils naît pendant qu'il est réfugié dans sa famille à Lausanne, et dès qu'il a l'occasion, il revient à la libération, il revient à Chamonix. Et il devient ce qu'on appelait à l'époque un chef de cordée. Pourquoi on ne disait pas premier de cordée ? Alors, chef de cordée, ça va avec les stages qui se pratiquaient à l'époque. Donc, Lachenal intègre des organismes, donc l'ancêtre de l'UCPA, qui s'appelle l'UNCM, si je ne me trompe pas, qui forme des jeunes appelés à encadrer les stagiaires qui arriveront dans ces organismes pour découvrir la montagne dans un mouvement très très ample. Hein, dans ces années d'immédiat après-guerre, il y a un enthousiasme pour aller vers la montagne assez formidable. Et Lachenal se fait connaître par le fait qu'il va former avec Lionel Terray, qu'il rencontre pendant la guerre, mais sans qu'ils deviennent vraiment amis. Ils se rencontrent vraiment en 1945. Ouais. Et vont constituer une cordée de légendes qui continue de faire référence. Comment s'est passée leur rencontre ? Ils avaient des origines assez différentes. Lachenal, c'était une famille paysanne habitant près d'Annecy. Et Lionel Terray était originaire d'une famille plutôt bourgeoise à Grenoble, c'est ça ? Oui, alors Lachenal, le fils de petit commerçant, qui avait un magasin au centre d'Annecy, mais c'est effectivement plus la classe moyenne populaire, et Terray un peu plus milieu bourgeois. Et effectivement, la rencontre pendant la guerre se passe pas vraiment, il n'y a pas de déclic entre les deux. Terray est plus proche de Rébuffa à l'époque, avec qui il fait une première saison dans le massif du Mont-Blanc. Terray et Rébuffa ont une ferme ensemble à Chamonix, ils ont des vaches. Et Lachenal, pendant ce temps-là, est donc plutôt en Suisse, il a un petit peu plus de mal à percer, à faire son trou dans ce milieu de futur aspirant guide, finalement, comme on dirait aujourd'hui. Il a un parcours un petit peu décalé, et donc la rencontre avec Terray se produit en 45, donc juste à la fin de la guerre. Et dans le massif du Mont-Blanc, le hasard des cordées font que ils se retrouvent à faire une première course ensemble, et dès la première course, ils ont une espèce de rapidité de c'est l'aiguille verte par le couloir couturier, je crois. Alors la verte par le couloir couturier, ils sont encore tous les deux chacun dans leur cordée. Et puis le lendemain, il y en a un qui a une ophtalmie, l'autre qui est fatigué dans les partenaires. Et ils partent tous les deux vers... j'ai oublié. Le Moine, je crois, non ? Ils partent tous les deux vers le Moine, c'est ça. L'aiguille du moine, par une voie qui fond dans un horaire canon. Et depuis ce sommet, on voit la Welker. Et donc, voilà. Dans la, et ils se disent, on va y aller. La mythologie de cette cordée, un peu de cette rencontre qui va devenir très fructueuse, ils sont ensemble et tout de suite, leur regard se porte vers les grands défis de l'heure qui sont la Vous Welker. Vous montrez d'ailleurs une photo magnifique qui où on voit les marteaux, les deux marteaux, celui de Lachenal et celui de Terray. Il y en a un dont vous dites qu'il fait 520 grammes, c'est celui de Lionel Terray qui était plus costaud, et l'autre fait 380 grammes seulement pour Louis Lachenal. Il avait le souci d'avoir le moins de poids possible et d'aller vite. Voilà, et puis c'est à l'image, des deux personnalités de cette cordée très complémentaire, avec Terray qui est l'homme solide, indestructible, costaud, pas forcément très gracieux ni élégant, mais qui est une sorte de bulldozer en montagne, et donc qui a du lourd, quoi. Et Lachenal qui est la légèreté, la grâce qui va devant dans les longueurs difficiles et qui va toujours plus vite. Et on a retrouvé un récit de l'ascension du Piz Badil, qui est donc une face nord qui a été fait pour la première fois, qui a été réussi par Cassin et ses compagnons. En trois jours, avec une lenteur dramatique, puisqu'un des ascensionnistes meurt du fait de cette lenteur. Et Terray et Lachenal le refont cette course en 7h30. On a retrouvé le récit, et le récit de la descente par Lachenal, ça existe quasiment pas. C'est une espèce de d'élan qui fait que tout semble évident, presque facile pour lui. Mais j'ai lu que quelque part que dans les descentes, il avait des foulées de 3 mètres. Il bondissait, et Terray raconte cette même descente dans les Conquérants de l'Inutile, en racontant que dans les... D'abord, il posait pas de rappel, il descendait, ce qui contredit notre titre. Il descendent presque en galopant, quoi. Et dans les... passage qui était un peu raide, un peu juste, Lachenal se laissait glisser sur les fesses avec le fond de cuir de ses pantalons pour gagner du temps. Dans ce même livre que vous venez de citer, Les Conquérants de l'Inutile, Terray écrit « Lachenal est de beaucoup l'alpiniste le plus talentueux que j'ai jamais connu et j'ose dire qu'au fait de sa carrière, il a été touché par l'aile du génie. » Phrase incroyable, c'est quoi le génie pour un alpiniste? Est-ce qu'on peut le définir? C'est le talent, la grâce, mais moi je mettrais avant, parce que le génie c'est un peu intimidant, c'est difficile de s'approcher de quelqu'un de génial. Or je trouve que tout ce qu'on découvre de Lachenal en s'approchant de lui, c'est quelqu'un qui était très humain, qui était drôle, qui avait un sens de la répartie qui devait faire beaucoup rire et en intimider quelques-uns peut-être aussi. Je pense que Terray, dans cette formulation, il se met un petit peu à distance aussi de Lachenal. Il le montre comme quelqu'un d'un peu inaccessible, peut-être d'un peu trop rapide, un peu trop doué, un peu... Il possédait une adresse prodigieuse, une vitalité de bête fauve, un courage frisant l'inconscience dans tous les terrains délicats ou instables. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'il garde de l'humour dans toutes circonstances. Voilà. Dans la face nord de l'Eiger, qui est sans doute la course la plus délicate et limite qu'ils ont faite ensemble, hein, qui a été l'aboutissement d'une séquence assez dramatique où il y a eu beaucoup de morts, une espèce de côté guerrier dans la volonté d'une jeunesse assez imprégnée d'idéologie nationale-socialiste d'aller s'affirmer dans cette paroi au risque du sang, de la mort, des blessures. Et donc eux arrivent avec une nouvelle optique et qui est très très marquante, qui est d'aller vite et d'avoir une certaine légèreté, de garder de la légèreté, voilà. Mais ça n'empêche que la légèreté va avec une prise de risque, un engagement assez fort. Ils partent, à l'époque il n'y a pas de prévision météo, donc ils se font prendre par la tempête avant de sortir, ils font une erreur d'itinéraire, enfin bref, ils sont sortis. Ils passent de nuit au lieu d'une dans la paroi. Ils espèrent sortir au deuxième jour et puis erreur d'itinéraire, le mauvais temps, la nuit tombe et donc ils sont amenés à passer beaucoup plus de temps que prévu dans cette paroi et ils s'en sortent un peu limite. Mais et qu'est-ce que dit Lachenal au sommet? Atterré. crois qu'il lui dit, cher client, est-ce que la course vous a plu? Ah oui, pendant la course, c'est Terray qui se souvient Terray revient dans cette paroi pour un sauvetage longtemps après, et il raconte qu'il entend quand il descend dans la paroi au bout d'un câble pour aller sauver un Italien qui est en perdition dans la paroi, et il croit entendre la voix de Lachenal qui lui dit guide, cette course vous a-t-elle plu? et c'est ça Lachenal pour moi, c'est quelqu'un qui aime aller se mettre dans des situations un peu limites et qui en garde une vision légère, presque un peu... Et à la descente de cette course qui a duré 50 heures, ils sont donc restés encordés pendant 50 heures. Il dit, on a eu du mal à défaire les nœuds, car notre cordée était solide. Et leur cordée, malheureusement, leur cordée va réussir à se défaire, j'ai envie de dire, suivante à l'Annapurna, puisque Lachenal étant amputé de ses pieds, quitte un peu ce groupe des alpinistes de pointe, quoi, de ceux qui font évoluer l'alpinisme, de ceux qui sont dans les premières convoitées, qui font et il va continuer à faire de la montagne, à se passionner pour la montagne, mais dans des courses qui ne sont plus à la pointe, alors que Terray, lui, va porter une vision de l'alpinisme d'un alpinisme d'exploration. Il va continuer à aller faire des courses dans des massifs lointains, dans les Andes, en Himalaya, ce que Lachenal ne pourra plus faire. Et donc leur cordée va s'éloigner, en fait, leur cordée si solide, si brillante, va s'éloigner assez peu de temps après cette remarque de Terray. En tout cas, ces deux-là étaient faits pour grimper ensemble, puisque si on prend leurs deux prénoms et qu'on les associe, Lionel et Louis, ça donne une anagramme qui est le solo inutile. Donc ils étaient faits pour former un duo qui est un duo qui reste de légende, bien qu'il ait duré, comme vous venez de l'expliquer, seulement 5 ou 6 ans. Non, même pas, de 45 à 49. Magnifique anagramme, le solo inutile. Effectivement, c'est deux personnalités qui n'étaient pas faites pour le solo, qui étaient faites, on a envie de dire, pour se rencontrer dans cette période très fructueuse. Et pour Lachenal, après cette victoire dramatique donc de l'Annapurna, qui le laisse diminuer physiquement, ça reste quelqu'un qui est en permanence en recherche de contact, d'amitié, d'entraîner. Il entraîne des gens en montagne. Il est formateur, il est entraîneur de l'équipe de France de ski. C'est quelqu'un, c'est un tourbillon. C'est comme ça qu'il est mort. Il est mort en entraînant son copain pour aller faire la vallée blanche. Il l'avait faite la veille. Il avait vu que la neige était bonne, la poudreuse était là, et il a voulu recommencer. Et il aurait eu aucune envie de le faire en solo, tout seul. Il fallait qu'il entraîne quelqu'un, qu'il soit deux. Alors, comme vous le savez sans doute, Charlie Buffet, dans cette émission, nous avons un rite qui est d'écouter un morceau de musique qui est choisi par l'invité. Vous avez choisi Blue Monk, de Monk, on va l'écouter. Thank you. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Charlie Buffet, Blue Monk de Monk, voilà un solo qui n'est pas inutile. Pourquoi ce choix ? Effectivement, ça contredit votre bel anagramme là sur le solo inutile. C'est parce que d'abord j'adore Monk et puis j'ai découvert que il avait donné un concert à la salle Pleyel en 1954, donc peu avant la mort de Lachenal. Et je pense qu'il y a dans le moi ce que l'émotion que me procure cette musique, ce mélange de tristesse, de rythme, d'enthousiasme, de beauté, quelque chose qui pour moi va bien à Lachenal, qui revient un peu essoré, désespéré de cette expédition de la Purna, et puis qui retrouve un rythme. Et puis ça pourrait aussi accompagner une ascension de Lachenal. On a l'impression qu'il saute comme ça entre les rochers. Ouais. Sautillant. En gravissant la montagne. Ouais. Alors, il y a cette aventure de l'Annapurna qui est bien connue, même si la version la plus connue n'est pas forcément la plus exacte. Alors, comment est-ce qu'il s'est trouvé embarqué avec Rebuffa, avec Terray et d'autres, par Maurice Herzog dans cette aventure qui devait avoir une envergure, disons, nationale? Il y a un grand Manitou de cette expédition qui s'appelle Lucien Devie et qui est l'homme qui à la tête de la revue du GHM, du groupe de haute montagne, depuis les années 30, valide, tient le compte, la chronique de toutes les ascensions dans les Alpes. Et donc c'est un homme, Lucien Devie, qui est extrêmement au courant de tout ce qui se fait en montagne et de ce que font les uns et les autres, de la valeur des uns et des autres. Et donc il sait très bien ce que font Rebuffa, Terray, Lachenal, et il invite les meilleurs alpinistes de l'époque pour cette grande opération nationale de l'Annapurna et du Dolagiri. Donc c'est une expédition qui part en exploration au Népal. C'est la première fois qu'on va faire de l'alpinisme à l'intérieur du Népal et vers des sommets qui sont complètement inconnus et qu'il va falloir explorer. Et donc l'expédition vise comme sommet non pas l'Annapurna mais un autre sommet népalais qui est le Dolagiri. Et ils perdent beaucoup de temps à chercher, à tenter de trouver une voie qui permettrait d'aller au sommet. Oui, ils savent qu'il y a donc ces deux sommets qui se font face, hein, de part et d'autre de la Kali Gandaki. Ils établissent un camp de base à Tukucha, un peu à égale distance des deux. Et effectivement, il y a une longue période d'exploration pour essayer de trouver une voie vers le Dolagiri, qui est très complexe d'accès et qui est un sommet plus... difficile que l'Annapurna, qui en fait sera le dernier 8000, l'avant-dernier 8000 gravi en 1960 seulement. Donc finalement, il va mettre 10 ans à être gravi le Dolagiri. Donc il s'épuise à chercher une voie vers le Dolagiri. Et pendant ce temps-là, Lachenal, qui souffre d'un anthrax, qui est diminué physiquement, reste pendant un long moment à Tukucha. Et moi, ce que j'ai adoré, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce qu'il écrit dans son journal, c'est qu'il adore explorer, aller à la rencontre, à observer les Népalais et Tibétains, parce qu'on est dans une région qui est à la limite des cultures népalaises, tibétaines, bouddhistes et hindouistes. Et Lachenal va à la rencontre, il regarde les gens, il les photographie. On a retrouvé les photographies qu'il a faites à l'époque, que personne n'a jamais vu, qu'on a mises dans le bouquin. Et Lachenal, il aime, voilà, aller voir les gens, aller savoir ce qu'ils vivent, essayer de comprendre. Il parle pas la langue, il parle probablement trois mots d'anglais, il essaye d'échanger un peu, de demander des petits dessins sur son carnet à un lama qui rencontre. Voilà. Mais il a cet appétit d'aller vers les gens et de les comprendre et cette curiosité que je trouve magnifique et très moderne. Et il a laissé sa femme à Oprah, donc à Chamonix, et il lui écrit ceci le 6 mai, il écrit dans son journal plutôt le 16 mai 1950, « En passant près d'un ruisseau entaillant de belles gorges profondes dans de la calcite bien blanche, j'ai envoyé une goutte d'eau à ma femme. Je l'ai prise dans ma main, je l'ai bien regardée, puis l'ai rejetée dans le torrent, en lui disant de s'évaporer et d'être transportée par un nuage jusque sur les bras, où cette goutte d'eau tomberait sur la tête de ma femme. » Je le dis avec une voix enrouée, mais l'idée est là. C'est très beau et je trouve que c'est émouvant de sentir que c'est une phrase qui est écrite pas pour faire des phrases et faire de la poésie. Elle est écrite brut comme ça, directement le soir même. Il est sous sa tente, faut l'imaginer, sous sa tente avec son petit carnet là, qui a un format à peu près A4, qui est assez grand, hein, avec un support rigide qui fait qu'il peut le poser sur ses genoux, il peut le écrire un peu dans toutes les circonstances. Et donc il écrit dans sa tente, il y a probablement la bougie à côté, il fait froid parce qu'ils sont en train d'arriver en altitude. Il est probablement aussi affecté par l'altitude, pas très bien, un peu de migraine. Voilà, faut imaginer un peu les conditions de production de ce texte, de ces phrases. C'est pas du tout quelque chose qui est écrit à plat sur un bureau ou qui est mûri comme ça, comme une création poétique. C'est vraiment, pour moi, ça a la force de ce témoignage brut sur ce qui passe dans la tête des gens qui s'approchent d'un sommet. Oui, ils disent ce qu'ils ressentent, mais ils décrivent aussi les paysages, ils racontent les rencontres de la journée. Et c'est, je le répète, écrit avec un style magnifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a longtemps été considéré comme de la sous-littérature. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la littérature de montagne ne peut être que de la fiction romanesque. Alors, il y a un très bel exemple de fiction qui est Premier de Cordée. Et puis après, on a un peu les bras qui nous tombent parce qu'on se dit, oui, mais il n'y en a pas d'autres. Alors zut, qu'est-ce que ça peut être, la littérature de montagne? Bon, en tout cas, la montagne, elle est nimbée de littérature depuis que l'alpinisme existe. Et elle est habitée par de la littérature de témoignage. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce que je cherche comme éditeur et comme lecteur, c'est une littérature des écrits qui traduisent, qui transmettent cette intensité de ce qui est vécu quand on sort un peu de sa zone de confort, comme disent aujourd'hui les jeunes. Charlie Buffet, il raconte donc l'approche du Dolaguerri qui les conduit dans une forme d'impasse. Ils se rapatrient, si on peut dire, sur la Napurna, marche d'approche à nouveau, puis ils finissent par aller au sommet à deux avec Herzog et Lachenal. Et c'est Herzog qui va raconter cette histoire, puisque les guides qui l'accompagnent, en fait, ont signé un contrat dans lequel ils s'engagent à ne pas raconter l'histoire pendant au moins 5 ans. Alors c'est quelque chose de très courant à l'époque, hein. On part en expédition, on finance l'expédition en partie par des projets de livres, de films, de dépêches, comme on disait à l'époque, dans le Figaro, qui est le journal qui a l'exclusivité du suivi de l'expédition. Et donc ça suppose qu'il y ait un seul discours, une seule exclusivité sur le récit. Et le récit donc est entre les mains, pendant l'expédition, de Marcel Ischac, qui rédige toutes les dépêches à l'intention des journaux. Et une fois l'expédition terminée, c'est Maurice Herzog, le chef, qui a été au sommet. Donc, il y a eu un vrai rôle, hein, qu'il faut pas du tout minimiser, de chef d'expédition, très enthousiaste, qui a porté son expédition, qui a eu un rôle absolument central dans cette ascension. Qui a perdu les pieds et les mains. Qui a été amputé de ses mains et qui est... Le rend très visible comme héros meurtri de cette aventure, hein. Chez Lachenal, ça se voit pas. Lachenal, il marche sur des pieds un peu courts, mais on voit pas qu'il est blessé. Herzog se prive pas de montrer ses mains, donc on voit physiquement qu'il a souffert dans sa chair de cette ascension. Et donc c'est lui, c'est le héros, c'est le porte-voix, c'est le héros à tous les sens du terme. Et d'ailleurs, il y a une injustice des noms qui répartit les rôles, en fait. C'est dans Lachenal, il y a Lâche, et dans Herzog, on entend héros. Et je trouve ça extrêmement injuste parce que Lachenal a été tout sauf lâche dans cette expédition. Il a sauvé la vie d'Herzog, il l'a accompagné, il a fait le sacrifice de l'accompagner, ce qui lui a coûté ses pieds. C'est le contraire de la lâcheté, c'est un courage altruiste, c'est extrêmement beau. Voilà. Mais dans son nom, on entend lâche, et je trouve ça très injuste. Et Herzog incarne parfaitement, Herzog ça veut dire duc en allemand, c'est un mot... où on entend la puissance, la réussite, et Herzog est tout à fait prêt à habiter ce rôle, à le montrer physiquement avec ses doigts coupés. Et donc, il s'empare du récit, et finalement, assez vite, Lachenal comprend que son récit ne pèse pas. Non seulement il est empêché par ce contrat qu'il a signé, qui l'empêche d'aller témoigner, mais ou de témoigner de façon personnelle. Et en plus, il finalement, il, d'une certaine façon, il est peut-être pas mécontent de laisser ce rôle à Herzog, parce que lui n'a pas de goût pour le... En tout cas, ils n'ont pas vécu les mêmes choses, notamment pendant la marche vers le sommet. Si on compare la version racontée par Herzog dans l'Impurna premier 8000 à celle qu'on trouve dans le texte que j'ai cité en introduction, on voit de grandes différences. Et la différence, elle apparaît dans ce très beau texte que vous avez cité au début d'émission, qui s'appelle Les commentaires. Donc c'est un texte que Lachenal écrit en 1955, peu avant sa mort. Donc il a été privé de son récit personnel, il a été privé, empêché de raconter à sa façon cette ascension, et il le fait dans un texte très apaisé où il raconte, voilà, moi je traduis ça dans des termes un peu plus actuels, même si les siens sont très très actuels, mais je fais de la montagne parce que ça me passionne, parce que j'aime ça, parce que j'ai envie d'aller vers un sommet, d'aller vite, de m'épanouir dans cette... Dans cette action, dans cette soif d'action, et ben si je sens que mes pieds gèlent et que je vais les perdre, je vais faire demi-tour, forcément. Et sauf que je suis à côté de mon copain qui lui est habité d'une mission et qui va aller à tout prix au sommet. Je sais que si je le laisse aller tout seul au sommet, il va pas redescendre, donc j'y vais avec lui. Et ce sacrifice que fait Lachenal, il a envie de le dire, non pas pour régler des comptes, non pas de façon aigrie, mais dans un texte très apaisé. Et l'injustice du sort qui lui a été fait après sa mort, c'est que ce très beau texte est censuré. Une fois qu'il meurt, le livre qu'il voulait publier, et qu'il voulait publier sous ce titre qu'on a retrouvé, Rappel au pluriel. Il voulait rappeler ce qui s'était passé pour lui. Voilà. Et ben, ce livre, ce texte, ce projet de livre est expurgé de tout ce qui va pas, ce qui colle pas avec l'histoire officielle. Parce qu'il est mort alors qu'il était en train de le rédiger. Il était en train de terminer de le rédiger. Et le livre est récupéré par le Maurice Herzog, qu'il confie le manuscrit à son frère et qui le transforme en biographie, donc soi-disant autobiographie, parce qu'il y a les deux noms de Herzog et Lachenal. Herzog, Gérard Herzog, le frère d'Herzog, qui rédige une biographie, et Lachenal, dont on garde une partie des textes. Ceux qui vont bien, en gros, ceux qui peuvent coller avec l'histoire, le récit officiel de l'Impurna. Il y a même des textes qui sont transformés. On voit d'ailleurs des manuscrits dans lesquels quelqu'un change les phrases. Et voilà, c'est Gérard Herzog s'est emparé du manuscrit d'Herzog et l'a remis à sa sauce. Et puis, deuxième étape, il a rédigé une biographie, mais dans Lachenal, qui doit correspondre au personnage de Annapurna près 8000, c'est-à-dire qu'il doit correspondre au personnage campé par ce récit officiel, le livre, le film de Marcel Ischac, Victoire sur l'Annapurna, où en gros on a quelqu'un qui est animé d'une volonté farouche d'aller au sommet et qui va y arriver, donc un héros positif, Maurice Herzog, et des comparses qui sont toutes plus ou moins des gens doués, dont on reconnaît les talents, mais qui ont tous un petit défaut qui fait qu'ils ont pas, soit ils ont pas vraiment compris voilà, Lachenal dans cette histoire là c'est un peu le type qui a pas vraiment compris l'enjeu et puis qui est un peu fou, qui est un peu dangereux, quoi, qui au moment où il redescend du sommet il devient un peu, il fait un peu n'importe quoi. Tout ce qui est raconté de lui dans Napoléon après 8000, dans le livre d'Herzog, ben c'est quelqu'un qui hurle. On dit jamais Lachenal dit, Lachenal parle. Et Lachenal, il parle en hurlant toujours. Et donc, ça devient ce personnage un peu... Qu'il a conscience de perdre ses pieds, donc de perdre la vie d'une certaine façon. En tout cas, de perdre sa vie d'avant. Il écrira plus tard, « La montagne n'était pas mon occupation du dimanche, c'était ma vie à moi. » Pas seulement ma vie matérielle, pour d'autres, vivre, c'est se pencher sur des livres, peindre ou donner des ordres. Cela peut se faire avec les pieds coupés, avec les jambes coupées. Pour moi, vivre, c'était choisir une montagne, choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante des pieds. Chaque phalange qu'on m'enlevait emportait un peu d'espoir. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est de rapprocher cette vision de Lachenal, mais qui est la vision d'un amoureux de la montagne, qui est très... compréhensible, logique, partagé. Enfin, on va pas faire de la montagne pour perdre ses pieds, ni pour personne, plus personne. Enfin, ne va en montagne. Et la perte des pieds n'est pas compensée par la joie d'avoir atteint le sommet. Absolument pas, non. Et puis, on n'y va pas pour ça. On n'y va pas pour planter des drapeaux. Personne va en montagne pour planter des drapeaux. C'est un épiphénomène auquel on a donné une importance disproportionnée. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé passionnant, c'est que la réaction de dire « je sens que mes pieds gèlent, je veux redescendre », elle est parfaitement humaine et logique et compréhensible. Et ben, c'est celle des Sherpas. C'est-à-dire que le soir, la veille du sommet, Herzog se tourne vers Angtarquet et lui dit « viens avec nous au sommet ». Et il y a une volonté qui est très louable et très belle de partager cette première ascension avec un Népalais, un Sherpa qui va pouvoir lui aussi peut-être porter son drapeau dans cette logique-là au sommet. Et que répond Angtarquet ? Angtarquet dit « mais moi j'ai les pieds qui gèlent ». Non, j'y vais pas. Il n'y a aucune raison que je perde mes pieds. Angtarquet, s'il perd ses pieds, il perd son boulot, il perd et lui aussi, comme Lachenal, il perd sa raison d'être, sa raison de vivre. Et donc, il dit non, je sens même. Et on a retrouvé dans les textes de Lachenal une phrase que je trouve absolument magnifique, qui est, il regarde les Sherpas la veille du sommet, il monte vers le camp 5, la neige est profonde, et ils se relaient pour faire la trace. Et les Sherpas sont très chargés. Les Sherpas sont plus chargés que les Occidentaux. À un moment donné, Lachenal et Terray ont porté des très lourdes charges parce que les Sherpas n'étaient pas encore arrivés. Mais sinon, ensuite, les Sherpas ont des sacs plus lourds que ceux des Français. Et Lachenal regarde les Sherpas et il dit « ils sont beaux, ces salariés, on dirait qu'ils font ça pour le plaisir ». Et je trouve que cette distance, cette conscience de ce pourquoi ils sont là les uns et les autres, nous rend Lachenal extrêmement moderne. Ça veut dire que son regard sur les Sherpas est très, très différent de celui qu'avait Herzog, par exemple ? Absolument différent, oui. Pour Herzog, les Sherpas... d'abord, il y a des passages assez... moi, qui m'ont mis mal à l'aise, une fois que j'ai compris les rôles des uns et des autres, parce que j'ai beaucoup étudié cette histoire d'ascension de l'Annapurna, j'ai compris que les Sherpas avaient tous joué un rôle. D'abord qu'ils étaient tous extrêmement expérimentés. Il y avait des tigres qui étaient montés à plus de 8000. 4 des 8 Sherpas étaient déjà montés à plus de 8000 sur l'Everest. Des types formidables, expérimentés. Donc ils étaient montés plus haut que l'Annapurna. Plus haut que l'Annapurna, mais pas sur un sommet. Voilà. Ils n'avaient pas atteint le sommet de l'Everest. Donc cette barre des 8000 avait déjà été franchie, mais pas un sommet de 8000. C'est la beauté. La petite nuance qui fait toute la différence. Voilà. Et donc ces Sherpas formidable, sans qui il n'y a évidemment pas d'ascension, parce qu'on a besoin d'eux comme on a besoin d'eux aujourd'hui. Il n'y a pas d'ascension aujourd'hui sur les 8000, il n'y a pas une ascension sans le travail des Sherpas. Et au lieu de leur reconnaître ce travail, les Sherpas, on leur demande de comprendre la beauté du but soi-disant gratuit des Occidentaux, qui sont là pour aller poser le pied sur un sommet et pour la beauté du geste ou pour planter un drapeau. Donc on leur demande de marcher dans cette combine, dans cet objectif-là. Et quand ils sont pas dans ce rôle-là, on a assez vite fait de les mépriser, de les ramener aux les coulisses et des emmerdeurs qui se mettent en grève généralement au bout de 2 jours pour bloquer, pour le plaisir de bloquer l'expédition. Et puis les Sherpas, dans un Annapurna après 8000, ils ont un peu tendance à picoler et à tirer au flanc et picoler. Voilà. Et donc Lachenal à cette vision que j'aime et qui a 50 ans d'avance quoi sur celle d'Herzog. Alors il raconte en détail et on souffre avec lui la longue descente. Il sera porté par justement des Sherpas, je pense, pour rejoindre la capitale. Et ça va durer des semaines et des semaines. Il dit son souci pour ses pieds, ses douleurs, ses souffrances. Il pose la question de savoir si le souvenir est proportionnel à la souffrance. Est-ce que le souvenir est proportionnel à la souffrance? Dans le cas de Lachenal, c'est ce qu'il écrit à chaud, à vif, j'ai envie de dire, sous morphine. Hein, il répète beaucoup que toute cette descente se passe sous morphine. Il faut savoir que les gelures et les débuts de gangrène, c'est des souffrances terribles. Hein. Donc ils sont hébétés, il pleut, il y a un inconfort extrême, une espèce de d'aigreur de la part de la chenal qui voit que tout le monde s'occupe spontanément, plus facilement du chef que de lui-même. Attends. Et c'est des pages qui sont très noires, très très très sombres. Et je crois que il faut pas l'écouter là-dessus. Il faut pas entendre ce Lachenal qui dit le souvenir est proportionnel à la souffrance, parce que le souvenir de Lachenal apaisé, c'est et son ce qu'il a voulu dire, mettre noir sur blanc quand il a pesé ses mots longtemps après, c'était raconter ce que lui cherchait, pourquoi c'était un sacrifice et pourquoi ça a été dramatique pour lui à un moment de perdre ses pieds. Mais après, il y a toute une période où il est retourné en montagne, il retrouve le plaisir d'aller en montagne. C'est dur, c'est une première ascension au Ruwenzori où il y a encore de la souffrance, il se bagarre pour remarcher. Mais il y a un deuxième récit qu'on a retrouvé là aussi, avec une photo qui est très joyeuse, où il va avec ses copains Rébuffa, Jam Coutet, tous ses copains alpinistes, il va faire la Noire de Petrée, qui est une ascension très dure sur le versant italien du Mont Blanc. Et on est en 53, et c'est un Lachenal qui a retrouvé toutes ses capacités et qui a retrouvé le plaisir d'aller en montagne. Mais enfin, pendant la descente, je voudrais le citer une dernière fois, il dit « Moi-même, je ne devais pas être un malade bien agréable. À l'inconfort s'ajoutait la souffrance. Moi qui m'étais réjoui d'avance de redescendre en flânant à travers ce pays si intéressant que nous avions dû à l'aller parcourir sans perte de temps, cette joie même m'était refusée. J'avais aimé ces gens simples, leur vie naturelle. Maintenant, je ne voyais plus que d'odieuses vallées de cailloutis, des hommes braillards, et je n'aspirais plus qu'à la laideur d'un hôpital. » Et il y a une autre phrase dans ce... Non, qui d'ailleurs qui est écrite à chaud dans son journal, dans ce même moment de la marche retour où il traverse une région qu'il a beaucoup aimé à l'aller, et il redit quand même, malgré sa souffrance, il redit « si je voulais vivre ». Si je voulais venir vivre au Népal, c'est là que je voudrais m'installer. Mais en même temps, il disait qu'il n'y avait rien de plus beau que le massif du Mont Blanc. Alors, pour ce qui est de la montagne et de l'alpinisme, il a été déçu par le... Parce que c'est un impatient, il n'aimait pas les marches d'approche, je pense. Et puis, il est de cette génération qui découvre l'Annapurna et l'Himalaya, qui n'a pas conscience de cette dimension, de l'échelle de ces montagnes. Et donc, il raconte qu'ils arrivaient, ils se rendaient absolument pas compte du temps que ça prendrait. Ils pensaient qu'il fallait 2 heures pour aller sur une petite pointe qu'ils voyaient, puis il fallait 2 jours. Et donc, cette lourdeur, cette lenteur, le fait que tout doit se passer avec des sherpas, des porteurs, lui qui avait été habitué à la rapidité, la légèreté, le fait d'aller juste vers une montagne et dans un même mouvement de la voir, de l'identifier, d'y trouver une voie et de grimper dessus, il a trouvé l'inverse dans l'Annapurna et des montagnes disproportionnées à son désir ou non proportionnées à son désir et à son plaisir de la vitesse. Mais cette expédition va finir par revenir en France, à Orly, ils sont accueillis comme des héros. Est-ce que Lachenal va participer autant qu'Herzog à ce que vous appelez l'Annapurna Mania? Alors il va y participer à sa façon puisqu'il y a eu plus de 500 conférences. Et assuré pour une bonne partie par lui-même, c'est-à-dire que Lachenal, il allait parler de l'ascension. Mais pas tout de suite, parce qu'il a subi un nombre incroyable d'opérations. Mais assez vite, c'est-à-dire qu'ils sont opérés, et puis on a des photos qui datent de la fin de l'année 1950, de novembre. Il y a le crash du Malabar Princess sur le massif du Mont-Blanc. Un de ses copains guides est mort pendant les secours, et il va se recueillir sur sa tombe, et c'est la première photo où on le voit debout avec une canne. Donc 6 mois après, il remarche, et on imagine qu'il peut... Dès 51, il va faire des conférences et donc pouvoir parler, mais dans ce cadre qui est assez, je pense, corseté. On a pensé longtemps, enfin, j'ai moi-même pensé qu'il n'y avait aucun enregistrement de la voix de Lachenal. On savait pas quelle voix il avait, on n'avait pas des films, oui, mais muets, et sa voix, non. On est en train de retrouver avec un ami de la TSR, de la radio suisse, de la RTS, pardon, un enregistrement de sa voix, peut-être quelque chose aussi enregistré après les conférences à Pleyel à Paris. On est sur la piste. Et la voix que j'ai entendue une seule fois de la Schnall à la radio, c'est une voix un peu forcée, un peu comme on parlait à l'époque à la radio. Moi, je l'imagine un petit peu comme ça dans ses conférences, portant un discours un peu officiel, un peu corseté, un peu. Mais j'imagine, j'ai envie de l'imaginer aussi glissant ses petites piques d'humour, de répartie. Mais donc il participe d'une certaine façon à cette narration de l'Annapurna, mais il va aussi avoir envie assez vite de s'en éloigner et de s'en démarquer. Quelles étaient ses relations avec quelqu'un qui lui ressemblait, je trouve, pas mal, qui était Walter Bonatti? Qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils étaient amis? Est-ce qu'ils ont gravi des sommets ensemble? Alors, ils n'ont pas fait de montagne ensemble, parce que, en fait, Bonatti arrive dans le monde de la montagne au moment, enfin, de l'alpinisme de pointe, au moment où la Schnall en sort, en gros, quoi, parce que Bonatti fait sa première ascension majeure en 49 et la Schnall sa dernière ascension majeure en 49. Donc ils n'ont pas eu l'occasion d'aller en montagne ensemble. En revanche, on a retrouvé ce dont je vous parlais, cet enregistrement de la Schnall, et dont j'ai retranscrit le texte pour ce livre. Et donc on trouve cet entretien où la Schnall raconte pour la radio suisse, pour un journaliste de la radio suisse, l'ascension du pilier Bonatti par Walter Bonatti. Donc en août 55, on est 4 mois avant sa mort, et il raconte ce que c'est que grimper à la façon de Bonatti, l'inconfort, et donc il dit pas de sac de couchage. Pas de sac ça de couchage. Ça pèse 2 kilos, c'est trop. Voilà, l'inconfort assumé, la volonté d'aller en solide. Là, on est dans le solo. 4 ou 5 jours, enfin, et autant de nuits quasiment, à l'issue desquelles Bonatti dira: je sais que j'ai traversé la frontière qui me séparait de mon âme. Alors, ça, c'est encore une histoire magnifique et un personnage extraordinaire. Et donc, il se rend compte, moi, j'ai été ému de trouver ce petit texte, ce petit témoignage où il se rend compte par ces mots de la Schnall qui parlent de mon camarade Bonatti. Voilà. Merci, Charlie Buffet, d'être venu à la conversation scientifique. On a peu parlé de science, mais on a parlé d'autres choses tout aussi intéressantes. Je recommande très vivement la lecture de ce livre que vous éditez de Louis Lachenal, intitulé « Rappel au pluriel ». Et moi, j'avais juste envie d'ajouter une chose avec ce titre « Rappel » qui, pour nous, a un sens chez Guérin encore plus dense. C'est que ce livre, c'était le deuxième livre publié par notre maison d'édition, qu'il a eu un sort un peu compliqué qui fait qu'il avait disparu de la circulation. Et on retrouve enfin la voix de la Schnall, et c'est notre façon de célébrer les 25 ans de notre maison, et ça me... Et c'est aussi, comme on l'avait dit, une forme de résurrection. On espère ressusciter la Schnall. Merci, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Fabien Capel, et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.